Le mandat de l'école publique, ça devrait être la même chose qu'avant, surtout le dans à lire, écrire, compter. Puis connaître un petit peu son histoire puis le contexte de la société. Il faut que l'enfant comprenne le contexte de la société dans laquelle il vit. Mais les histoires de. C'est parce que là, il y a du matériel sensible que même des adultes, ils tombent en initiation avec. Puis ils passent proche de finir en psychiatrie. On va pas se mettre à enseigner ça à des enfants quand même. C'est dangereux, là. Là, ça va être nous autres, les sectes, là. Si on commence à prôner qu'il faut enseigner ça à des enfants. Moi, en tout cas, de mon côté, je considère que ça pourrait pas de bon sens. Comme des principes comme le double éthérique. Comment tu peux expliquer ça à des enfants? Ça n'a aucun sens. Ils vont le comprendre tout croche. Tu peux pas présenter ça à des enfants. Ça va noyer dans le sens que ça sera pas objectif, là. Moi, je considère que l'école devrait pas trop se mêler de ça. Dans le sens que l'enfant, c'est à un moment donné, il est curieux. Il va aller par lui-même. Il va s'informer. On devrait aller plus faire justement des individus qui vont être capables par eux-mêmes jusqu'à un certain point de devenir de plus en plus autonomes. Puis de s'auto-instruire, puis d'aller leur chercher l'information. Pas, tu leur donnes des clés pour se déplacer dans l'information. Tu leur arrives pas avec des salades toutes faites.